sempre la passi mi pali lelo na se ma fami pa poti sape se poto sani. Go. l'esprit de notre alliance. Tokanga matoi jamais écouta mes distances. A mon avis, ta koikoki, et comme il mariage, ressemble à l'écamou mama. Au palon, la monte ma et comme il s'en a voyé. Au sili sanga ma yelena, qui donc on a doulé la gamme. C'est que la vie a moto, Yahweh a kela, yemoka sali. Nicole, et je me souviens quand tu me disais, au ballon.